là là, c'est pas vrai, mon disque dur a planté. Est-ce que quelqu'un a sauvegardé le dossier Marignan? Ça, c'était hier. Quand on voulait sauvegarder des documents, il fallait les sauvegarder un par un. Mais hier, c'était hier. Aujourd'hui, SFR invente le pack Business Entrepreneur, la nouvelle solution tout en un, télécom et cloud pour les TPE. Plus de pertes de données, elles sont automatiquement sauvegardées en mode cloud. Passez au business supérieur avec le pack Business Entrepreneur. Découvrez tous ses avantages au 10.01. Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine. SFR. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous plonge au cœur de l'histoire impériale. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. L'idée de vous parler des sœurs de Napoléon m'est venue à propos d'une exposition qui se tient en ce moment au musée Marmottan-Monet. L'expo s'appelle « Les sœurs de Napoléon, trois destins italiens », tant il est vrai qu'Elisa, Pauline et Caroline Bonaparte ont eu partie liée avec l'Italie et avec les artistes italiens. On va y venir dans un instant, bien entendu. Et tout à l'heure, dans le cadre de notre semaine spéciale Prix Historia, vous recevrez les présidents des jurys du prix historique et de la biographie. Et oui, Joël Chevet et Éric Mention-Rigaud qui nous présenteront leurs lauréats. Pour le moment, nous avons rendez-vous avec la petite sœur préférée de l'empereur. Nous allons parler de tout cela avec Éric Le Nabour qui connaît la famille impériale comme personne. Et la sœur préférée, évidemment, c'est la douce Pauline sur laquelle on a tellement et tellement raconté de choses. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Regardez mes relations. Est-ce là ce qu'on appelle une destinée? Maria Paoletta Buonaparte est restée dans l'histoire sous le nom de Pauline Borghese. Elle est restée sous les traits sublimes d'un des plus beaux marbres de Canova. Elle est restée avec la réputation tantôt flatteuse, tantôt sulfureuse d'avoir été la sœur préférée de Napoléon. Naître sœur de Napoléon, vous avouerez que c'est déjà très intéressant, mais sœur préférée, que dire? Le fait est qu'elle savait bien s'y prendre pour amadouer les hommes en général et son empereur de Frangin en particulier, cette Pauline, et que lui, en retour, se montrait, disons, d'une indulgence inaccoutumée, ce qui ne l'empêchait pas d'être souvent grondeur. Il faut vous dire qu'elle est très belle, cette jeune femme, évidemment. Elle est faite pour être aimée des hommes. Alors vous allez voir jusqu'où elle a pu pousser l'infidélité conjugale. Elle a eu deux maris, ça certes, mais de très nombreux amants, et très tôt on peut dire que Pauline s'est installée, enfin je dis Pauline parce que je vais l'appeler ainsi, mais pour l'instant elle est toujours Paoletta, elle va devenir Paulette en arrivant en France, enfin en France en métropole devrais-je dire puisqu'elle est née en Corse. Très tôt elle s'installe dans la position de la femme peut-être un peu trop belle, un peu trop adulée et sûrement trop comblée. Elle sera aussi évidemment la sœur de l'homme le plus puissant de France et ça jouera sur sa destinée. Alors revenons peut-être à l'origine, si vous voulez, à l'époque où on la baptise Maria Paoletta. Elle est née le 20 octobre 1780, donc à Ajaccio, hein, dans la maison familiale des Bonaparte. C'est un véritable palais de ville, cette maison. Hein. D'ailleurs, ça mérite d'être visité si vous allez en vacances, si vous êtes vous-même en Corse. Si vous habitez en Corse, j'imagine que la maison, vous la connaissez par cœur. Mais en tout cas, si vous venez à y passer, n'hésitez pas à faire cette visite, car c'est très intéressant. On comprend un peu mieux les Bonaparte lorsqu'on visite leur maison qui est devenue un musée aujourd'hui. Je vous l'ai dit, Pauline n'est pas le vrai prénom, hein, c'est encore Maria Paoletta pour l'instant. Alors elle va grandir en Corse et elle va se montrer tout de suite très charmante et même, disons-le, assez charmeuse. La beauté de Paulette est bientôt légendaire. Alors certains l'ont critiquée, cette beauté. On sait que, alors si l'on en croit la duchesse d'Abrantès, qui écrivait ça quand même en 1893, on était dans un on-dit Madame de Contade, qui tenait salon rue de Ponthieu à l'époque de l'Empire, Madame de Contade aurait trouvé que Pauline avait ses oreilles un peu grandes. Bon, peut-être, d'une façon générale, nous savons, grâce au tableau et surtout grâce à une statue dont je vais vous parler dans un instant, qu'elle était plus que ravissante. Et ça, c'est très tôt. Hein. Dès l'âge de 12-13 ans, on a déjà affaire à une personne sculpturale. Alors, elle commence par s'enfuir, disons-le, de Corse, toute jeune, hein, à 13 ans, avec sa mère. Elle rejoint le continent. Oh, les années qu'elle passera à Toulon et puis ensuite à Marseille ne sont pas les plus heureuses de sa vie. C'est l'époque, vous savez, où Napoléon, de son côté, Napoléon Bonaparte, est en train de gravir les échelons. Il n'est pas le seul. L'ensemble des frères Bonaparte font carrière, et à commencer par Lucien, bien entendu, mais on parlera de tout ça avec Éric Le Labour tout à l'heure, on entrera un peu dans les détails, justement, de l'histoire de cette famille. La jeune fille, elle a, vous l'imaginez maintenant, elle a 15 ans, 16 ans, elle est de plus en plus coquette, et elle tombe assez facilement amoureuse, semble-t-il. Alors d'abord, dans un premier temps, elle va devenir amoureuse d'un personnage, somme toute, assez peu sympathique, c'est Fréron, vous savez, le conventionnel, l'homme de la terreur, qui s'est manifesté par son acharnement révolutionnaire et aussi, disons-le, par un certain nombre d'actes de débauche. Il entretenait déjà par ailleurs une relation avec une actrice italienne qui était enceinte. On parle de mariage et Napoléon Bonaparte et les autres frères aussi se disent « mais alors notre sœur va épouser Fréron ». Ça leur fait pas plaisir, ça, bien entendu. Et Napoléon, qui est en train de devenir le chef de famille, fait comprendre à sa sœur qu'il n'est pas question pour lui d'autoriser cette union. Elle est très malheureuse. Est-ce qu'on peut dire que Paulette est ce qu'on appelle aujourd'hui un cœur d'artichaut? Il y a un peu de ça, si vous voulez. Elle se croit complètement perdue parce qu'on lui refuse ce mari qu'elle croyait idéal pour elle. Napoléon se dit, il faut vite lui trouver un mari plus convenable. Et il se trouve que dans son entourage, c'est le début de la campagne italienne, il est à Milan, et dans son entourage, il a un adjudant général qui s'appelle Victor Emmanuel Leclerc, qui a toutes les qualités et qui ferait un très bon mari. Alors, il se dit que pour Paulette, ce serait l'idéal. Il faut dire aussi que Leclerc avait déjà rencontré Paulette Bonaparte à Toulon, justement, qu'il avait été d'emblée conquis par sa beauté et qu'il ne va pas falloir à Bonaparte, à Napoléon, faire de grands efforts pour le convaincre d'épouser sa sœur. Le mariage aura lieu le 14 juin 1797. Elle est toute jeune, hein. Je vous ai dit qu'elle était née en octobre 80, donc le calcul est vite fait. Elle a encore 16 ans à l'époque. Elle épouse son beau général, qu'elle va appeler mon petit Leclerc. Un enfant naîtra 10 mois plus tard, donc en 1798, à l'issue d'une grossesse difficile. Cet enfant, ce fils, est Dermide. Drôle de prénom, inspiré d'Ossian, n'est-ce pas? L'auteur préféré, le poète préféré de Napoléon, dans cette fin de XVIIIe siècle, en proie à un néoclassicisme fervent, est en train de devenir un auteur à la mode, tout simplement. Alors, Leclerc se plaint un peu des sautes d'humeur de sa femme, de son éducation pas très brillante, et on lui conseille de la polisser, comme on disait à l'époque. Alors elle va aller prendre des cours chez Madame Campan. C'est que Madame Campan, c'est bien celle que vous connaissez, hein, c'est l'ancienne bibliothécaire de Marie-Antoinette, une dame qui a très bien connu l'ancienne cour de Versailles, et qui va être chargée de donner à la petite Paulette un petit peu plus de maintien, d'allure, surveiller son langage, savoir s'asseoir, savoir se comporter, savoir rire, enfin les choses qui font qu'on devient une dame du monde. La citoyenne Leclerc est entrée chez moi il y a 6 mois et ses progrès sont étonnants, écrit d'ailleurs Madame Campan à l'époque, car Paulette s'adapte très bien, elle va très vite devenir une dame du monde. Alors, disons-le, son mariage ne l'empêche pas d'avoir d'autres coups de cœur. Je vous ai dit, c'est un véritable cœur d'artichaut. D'autant plus que Victor Emmanuel Leclerc abandonne volontiers sa femme pour vaquer à ses occupations militaires. Notamment, il réorganise l'armée d'Italie. Ce qui fait que les rumeurs courent. On dit, oh là là, elle n'est pas très fidèle, cette Paulette Bonaparte. Et les rumeurs en question arrivent assez vite aux oreilles de Napoléon, qui va devenir premier consul et qui maintenant ne peut plus se permettre d'avoir quelqu'un de douteux dans son entourage familial immédiat. Il donne à son beau-frère le commandement du corps expéditionnaire, vous savez, qui est chargé d'aller mater la révolution de Saint-Domingue. Et ça, c'est assez dur quand même. Il ordonne à sa sœur de suivre son mari avec le petit, avec l'enfant. La voilà partie pour Saint-Domingue. Elle appréhende cet exil. En vérité, elle est accueillie là-bas avec tous les honneurs, vous imaginez. Leclerc tombe malade, on connaît l'histoire. Il est victime victime d'une épidémie de fièvre jaune. Il mourra pas très longtemps après, donc on est en 1802. Et là, Pauline est complètement désespérée de nouveau. Finalement, elle l'avait sans doute aimé, son mari. Alors il y a ces grandes scènes qui sont déjà pré-romantiques, où on la voit couper ses plus belles boucles de cheveux pour les mettre dans le cercueil de son mari. Elle revient en France avec une urne dans laquelle se trouve tout simplement le cœur de Leclerc. Écoutez Beethoven sur Europe 1, un extrait du premier mouvement de la symphonie numéro 9 dirigée par Erwin van Karajan. Vous pouvez réagir à l'émission, sachez-le par mail sur europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans une minute, sur Europe 1, c'est la suite du récit de Franck Ferrand sur Pauline, la sœur de Napoléon. Et nous continuons, Franck Ferrand, à découvrir la vie de la jeune sœur de Napoléon, Pauline. Alors, Pauline a donc perdu son mari, le beau Leclerc. Elle rentre désespérée et son frère se dit que ben, il faut tout simplement, ce sera la meilleure solution, lui trouver un autre mari. Elle a 22 ans, elle est dans tout l'éclat de sa beauté et de son ardeur, disons-le. Alors on peut imaginer que n'importe qui est prêt à épouser Paulette Bonaparte. Eh bien non, le ministre de la Marine, Decret notamment, refuse de devenir son mari. Il faut vous dire que non seulement la rumeur qui court sur son compte n'est pas très flatteuse, mais en plus, elle a elle-même déjà jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre, sur le prince Camillo Borghese de la grande famille romaine, hein, bien entendu, arrière-neveu d'un pape, personnage extraordinaire. Il faut imaginer Borghese avec ses boucles brunes, avec aussi, disons-le, ses 2 millions de rentes, peut-être. Hein. Il possède un palais dans la ville éternelle, il possède d'immenses et magnifiques domaines. Tout ça éblouit Paulette qui en parle à son frère. Alors, Napoléon se renseigne. Au départ, il est assez effrayé par ce projet d'union, mais il finit par accepter. La bénédiction nuptiale a lieu dès le 29 août 1803. Je dis dès le parce que c'est avant la fin du délai de viduité. Vous savez que c'était le délai qui, à l'époque, était imposé aux personnes veuves ou divorcées avant de pouvoir contracter un nouveau mariage. Mais elle n'attend pas la fin du délai. Elle se marie déjà, ce qui déplaît évidemment souverainement à Napoléon. Mais une fois de plus, il lui pardonne. Et Napoléon aura passé son temps à essayer de la protéger contre elle-même, en quelque sorte, cette sœur, et de la conseiller. Il lui demande de rester sage, aimez votre mari, faites le bonheur de votre maison et ne soyez surtout pas légère et capricieuse, lui dit-il. Et en retour, il exige qu'elle parte le plus tôt possible pour Rome. Il faut vous dire qu'à Paris, elle est devenue un personnage essentiel, cette Paulette Bonaparte. Elle habite l'hôtel de Charot, rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle l'a acquis là, très récemment, hein, en 1803. Alors elle a lancé des travaux d'aménagement importants qui sont conduits par Pierre-Nicolas Bénard, un élève du très moderne Boulay. Il y a un style Pauline qui est en train de naître, des tissus aux couleurs très franches, un mobilier ultra raffiné qui est peut-être ce qui s'est fait de plus gracieux dans le style Empire. C'est un peu de cette modernité racée qu'elle va emporter avec elle à Rome, où elle s'installe au palais Borghese. Ça, ce sont les ordres de son frère. Elle est donc, vous imaginez ce qu'est le palais Borghese, hein, sur les bords du Tibre, un endroit magnifique, mais où elle s'ennuie. Franchement, jamais je ne pourrais passer ma vie ici, écrit-elle. Ce pays est détestable. Pas de société, pas d'amitié vraie qui puisse dédommager. C'est vrai que on n'est pas dans la frénésie parisienne qu'elle avait tant aimée. Et elle n'aura dès lors plus qu'une obsession, rentrer en France. Elle veut retrouver cette terre de Paris. Elle veut respirer cette terre qu'elle aime tant et elle veut connaître à nouveau les fêtes qu'on donne en son honneur, etc. Mais Napoléon, lui, ne veut rien entendre. Il lui fait dire par leur oncle, le cardinal Fesch, qu'il est temps qu'elle se mette un peu de plomb dans la tête. Voilà ce que lui dit le cardinal, que votre frère prétend que déjà vous n'êtes plus belle et que vous le serez beaucoup moins dans quelques années et que toute votre vie, vous devrez être bonne et estimée. Voilà une chose qui ne se perd pas, la bonté. C'est en tout cas la leçon de morale de Napoléon à sa sœur. La vérité, c'est que Pauline ne supporte plus l'aristocratie romaine, et encore moins tout le protocole du palais Borghese. Elle assure avoir par ailleurs un mari qui est peu porté sur les choses de l'amour. Il est vrai qu'elle est très exigeante sur ce chapitre-là. Bref, elle ne veut pas rester à Rome, mais elle y est contrainte. Alors elle prend son mal en patience et elle pose pour le sculpteur Canova. Vous me voyez venir, c'est la célèbre statue qui a immortalisé Pauline sous les traits d'une Vénus absolument merveilleuse, a langui sur son lit de repos. Vous voyez la statue, hein, je l'ai là en photo sous les yeux, elle est nue jusqu'au bas des hanches, elle tient à la main une pomme, la main est comme ça négligemment posée sur la cuisse drapée avec des draperies très suggestives, et puis elle est surtout totalement déshabillée, vraiment très très bas, et tout Rome affirme qu'elle a posé dans le plus simple appareil et que ça ne l'a pas du tout dérangée. Et Canova, assez malin, en rajoute, il dit « Ah, moi je lui ai proposé plusieurs fois de se représenter non pas en Vénus mais en Diane, déesse de la chasteté, que voulez-vous, elle n'a pas voulu. » Et tout le monde rit, et ça y est, la rumeur qu'on avait connue à Paris et qu'on avait sans doute un peu connue sur la Côte d'Azur dans un premier temps, se répand maintenant dans Rome. Hélas, disons-le, ce corps sublime n'est pas toujours à l'abri des atteintes de la maladie. La santé sera vraiment le problème de Paulette, qui toute sa vie aura des périodes où elle ira mal. Elle prétend que le climat romain ne lui convient pas, mais ça c'est parce qu'elle veut rentrer à Paris. L'essentiel pour elle, c'est de voyager dès qu'elle peut. Elle se rend dans toutes sortes de villes d'eau, à Pise, à Luc notamment. Et pour prouver à son frère qu'elle aime son mari, elle écrit à une amie « L'Italie n'ignore pas que mon cher prince m'adore et que je ne puis vivre sans lui ». Nouvel événement terrible, on est en août 1804, le climat de Rome ne convient pas davantage au fils qu'à la mère, et Édermide, qui lui-même est de santé délicate, tombe malade, de plus en plus malade. Le 14 août 1804, ce fils meurt brusquement de convulsions. On peut imaginer évidemment le bouleversement de la mère. De nouveau, de grandes scènes qu'on pourrait déjà appeler romantiques. Elle coupe encore ses cheveux qu'elle met dans le cercueil de l'enfant. Napoléon, pour la consoler, là il n'a vraiment plus le choix. Il l'autorise à revenir en France pour inhumer l'enfant auprès de son père, qui avait été inhumé en terre française, bien entendu. Et en cette fin d'année, le 2 décembre 1804, il ne faut pas oublier que c'est le grand événement pour la famille, puisque c'est le couronnement, c'est le sacre de Napoléon. Alors, bien sûr que Pauline est là pour la grande circonstance. Elle fait partie, vous savez, des sœurs Bonaparte qui tiennent la traîne, enfin le manteau de cour de l'impératrice. On prétend qu'elles avaient plutôt appuyé sur le manteau qu'elles ne l'avaient soulevé pour faire trébucher leur belle-sœur qu'elles n'aiment pas. Ce qui est fascinant et amusant dans cette période, c'est ce qu'a raconté Victorien Sardou dans Madame Sans Gêne, c'est le changement de statut de tous ces gens qui, du jour au lendemain, deviennent prince, princesse. Alors, les titres d'altesse impériale pleuvent dans tous les sens. Elle-même est titrée duchesse souveraine de Guastalla. C'est une ville forte sur le Pô, mais pour autant, elle n'est pas obligée d'aller séjourner là-bas sur place. Borghese est nommé chef d'escadron. Il est expédié au camp de Boulogne. On est dans les préparatifs d'un débarquement français en Angleterre. À l'époque, on y croit encore. Et Pauline, pendant que son mari s'occupe de nouveau d'affaires militaires, décidément, ça aurait été sa vie. Eh bien, elle s'occupe, on va dire, à sa guise. Alors, pour raison de santé, elle se rend aux eaux de Plombière dans les Vosges. Elle part avec toute une grande suite et avec notamment Paul, qui est son serviteur noir, ramené de là-bas, hein, de Saint-Domingue, par son frère Jérôme Bonaparte. Elle rencontre Auguste de Forbin, qui est issu d'une vieille famille provençale. Il est à la fois peintre et poète. Ah, ça, c'est tout ce qui peut séduire Pauline, évidemment. Elle en est folle, très vite. Lui, de son côté, est tout à fait touché d'être entretenu par une si belle maîtresse. C'est un amant qui coûte très cher, pour tout vous dire. Ils passent ensemble des jours et des nuits. Simplement, Forbin est à son tour contraint de rejoindre l'armée d'Espagne. Eh bien, qu'à cela ne tienne, après Auguste de Forbin, viendra Félix Blangini. Et vous nous contez cet après-midi, Franck Ferrand, la vie de la sulfureuse Pauline Borghèse. Et oui, cette Pauline qui aime les hommes jeunes et vigoureux. Alors, je vous disais que c'était fini avec Auguste de Forbin, donc elle va tomber amoureuse cette fois d'un compositeur qui vient lui donner des leçons de musique. Alors, on raconte leur première rencontre à l'hôtel de Charot. Elle le reçoit dans un ample peignoir qui est à peine attaché. Et il devine qu'elle est nue dessous. Elle est couchée sur le divan. Ça l'empêche pas. Elle reçoit comme ça. Hein. Quand je vous dis qu'elle fait beaucoup parler Paris, vous imaginez. Et elle se fait porter nue dans sa baignoire par le valet noir, là, par Paul. Donc tout ça est très exotique. Le pauvre Blangini est complètement sous le charme. Alors elle va jouer avec lui un peu comme le chat avec la souris. Elle le convie à venir lui donner les leçons. Puis elle le décommande, le rappelle à des heures indues, du jour et de la nuit. Lui est très vite enflammé. Il accourt, il obéit, il est amoureux. Et elle joue encore davantage avec lui. Et il ne sera pas le seul, évidemment. On va prêter toutes les turpitudes à cette pauvre Pauline. On va dire qu'elle aime beaucoup les hommes, mais qu'il lui arrive d'aimer des dames. Et notamment, on l'accuse d'avoir une liaison avec la baronne Christina de Matisse. On estime même qu'elle aurait pu aller jusqu'à devenir la maîtresse de son propre frère. On va voir ce qu'il faut penser de ces accusations d'inceste. Ce qui est certain, c'est que la liste de ses amants ne cesse de s'allonger. Ternik en personne, s'il vous plaît, le prince Poniatowski, le colonel Czernichev, Jules de Canouville, ça c'est un jeune colonel des hussards qui va lui donner du fil à retordre, le colonel Auguste Duchamp, le lieutenant de Braque. On imagine tous ces messieurs en uniforme qui défilent devant la dame en déshabillé. Tout ça est très couleur locale. On est dans ce que l'Empire a sans doute produit de plus charmant. Et puis la grande aventure avec le tragédien Talma, qui a 49 ans déjà à l'époque, mais qui tombe fou amoureux d'elle jusqu'à ce qu'elle finisse par lui fermer sa porte au nez. Jusqu'où Pauline va-t-elle s'amuser de la sorte et nous surprendre? Eh bien, jusqu'à la fin de l'Empire, mais là où elle prend sa dimension, et c'est ce que je vais voir dans un instant avec mon invité, c'est à partir de la chute de l'Empire, de la chute de son frère, vous allez voir qu'elle sait aussi avoir du caractère. Bonjour Éric Le Nabour, vous connaissez évidemment très bien toute cette période et vous êtes l'auteur de Napoléon et sa famille, une destinée collective chez Perrin. Avec vous, nous revenons sur Pauline, mais aussi sur Elisa et Caroline, sur les frères, enfin bref, sur cette incroyable famille Bonaparte. Nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de Napoléon et de ses sœurs. On en parle avec vous, Franck Ferrand et Éric Le Nabour, votre invité, historien et romancier, auteur notamment de Napoléon et sa famille, une destinée collective aux éditions Perrin. On peut dire que Pauline aura été, parmi les frères et sœurs de Napoléon, une de celles qui se sera le mieux comportée au moment de la chute de l'Empire, Éric Le Nabour. Elle veut d'abord à tout prix rejoindre son frère à l'île d'Elbe en 1814. Oui, alors des trois sœurs, c'est certainement celle qui est la plus attachée à Napoléon. Évidemment, laquelle Napoléon est la plus attachée. Et c'est sûr que quand intervient la première abdication de Napoléon, Pauline à ce moment-là est en France. Vous savez qu'elle se promenait, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, d'un petit peu de cure, de ville d'eau en ville d'eau pour faire des cures parce qu'elle était de santé fragile. Et donc Napoléon, avant de s'embarquer pour l'île d'Elbe, va avoir l'occasion de la rencontrer. Et à ce moment-là, elle lui dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, en fait ?» Et le problème va se poser, qui est un problème financier pour Napoléon. Et elle lui propose à ce moment-là d'emblée de lui donner 500 000 francs de bijoux, enfin de vendre tous ses bijoux pour lui. Et ça, c'est un geste que n'ont jamais eu les deux autres sœurs. Bon. Oui. Ensuite, elle va aller à l'île d'Elbe, puisqu'elle va rester pendant 4 ou 5 mois à l'île d'Elbe. Le débarquement, si j'ose dire, de Pauline Borghèse à l'île d'Elbe, c'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire c'est un événement. C'est un petit peu la révolution, parce qu'il n'y a que Napoléon qui est là avec sa mère. On s'ennuie ferme jusque-là. Et donc, jusque on là, s'ennuie oui. ferme, alors elle va mettre de l'animation. Dans le... Et donc, ça a été aussi pour Napoléon quelque chose de formidable que sa sœur vienne, parce que ça lui a redonné aussi un petit peu de gaieté, de confiance en lui. Et peut-être un peu trop, puisque du coup, il a formé ses projets extravagants de revenir en France, de reprendre le pouvoir, ce qu'il va faire pendant 100 jours. Alors, elle, dans un premier temps, au moment du départ de son frère de l'île d'Elbe, elle est coincée, si je puis dire, à l'île d'Elbe. Les Autrichiens envisagent d'ailleurs de la déporter. Et puis son frère reprend réellement le pouvoir. Alors ils savent pas trop quoi faire d'elle. Et puis elle est libérée et elle croit qu'elle va pouvoir reprendre la vie qu'elle avait toujours menée. Sauf qu'arrive Waterloo. Là, cette fois, ouais, c'est définitivement terminé. C'est terminé, mais en même temps, elle ne va pas changer de comportement, puisque lorsque Napoléon va être déporté à Sainte-Hélène, elle sera la seule, avec la mère de Napoléon, évidemment, Laetitia, à demander à rejoindre Napoléon à Sainte-Hélène. Elle a fait aussi des pieds et des mains, comme on dirait, pour convaincre les Anglais d'adoucir le traitement qu'il avait déjà. Et puis bon, la libération de Napoléon, c'était quand même très aléatoire. Mais comme pour Laetitia, comme pour la mère de Napoléon, l'autorisation de le rejoindre à Sainte-Hélène lui a été refusée. Donc elle n'a pas pu le rejoindre et n'aimait pas Rome, finalement elle va retourner à Rome sous la protection du pape. Hein. Elle essaie de renouer avec le prince Borghese qui lui n'en veut plus. Elle va quand même obtenir un petit peu d'argent, la jouissance du palais Borghese, et finalement elle meurt à Florence, et elle meurt d'ailleurs avant Napoléon, puisqu'elle meurt en 1820 alors que Napoléon meurt en mai 1821. Qu'il est affreux, disait-elle, d'être toujours la dupe des hommes, on a envie de lui rétorquer, et qu'ils auraient beaucoup à se plaindre aussi les hommes. Alors, d'où venait ce côté, j'ai dit cœur d'artichaut pour être gentil, mais certains l'ont taxé carrément de nymphomanie. Elle aimait vraiment les hommes. D'après ce qu'on peut savoir, parce que là on est dans un sujet un peu délicat, dans la mesure où les éléments nous manquent un peu quand même pour en parler, mais bon, d'après ce que l'on peut savoir, c'était une femme qui est quand même assez légère, qui avait un bon tempérament, et qui aussi a eu un problème de santé particulier, puisque Fréron, le conventionnel dont vous avez parlé tout à l'heure, lui avait laissé en cadeau une maladie très désagréable, une salpingite, qui fait que une maladie qu'on soignait très difficilement à l'époque. L'un des moyens pour qu'elle ne souffre pas de cette maladie, c'était de faire l'amour. C'est-à-dire qu'elle avait des démangeaisons intimes, on va dire ça poliment, qui faisaient qu'à chaque fois qu'elle faisait l'amour, ça calmait ses démangeaisons. Et en fait, pendant un certain temps, elle était tranquille. D'où la répétition assez fréquente, qui correspondait aussi, parce que là, il ne faut pas être hypocrite, à un tempérament. Oui, et puis qui apparemment s'est évolué avec les années, mais en empirant. Et qui correspondait à une mentalité bien particulière. J'ai parlé à son sujet de pré-romantisme à deux reprises, parce qu'on est dans ça, ce qu'on constate également chez l'impératrice Joséphine d'ailleurs. C'est cette période de l'Empire qui est où sont en train de commencer à germer des forces qui vont ensuite exploser, bien entendu, dans le mouvement romantique. J'ajouterais aussi à ça que quand on parle de Pauline, il ne faut pas oublier que tous les Bonaparte, oui, se sont sûr. Comportés dans leur vie privée quand même de façon un peu légère. Enfin, que ce soit les hommes ou les femmes, ils ont multiplié les liaisons et les aventures. Donc on parle toujours de Pauline, mais on oublie que les autres s'en sont pas privés non plus. Oui, elle est un petit peu l'arbre qui cache la forêt dans la famille. Alors parlons de ces deux sœurs d'ailleurs, hein, parce que puisque vous parlez de leur tempérament, Elisa est la sœur aînée, elle a 2 ans et demi de plus que Pauline. Oui, elle a trois ans. Elle est née en 1777, si ma mémoire est bonne. Alors Elisa, c'est un tempérament, elle, très différent, puisqu'elle n'avait pas hérité la même beauté que Pauline. Et Napoléon, d'ailleurs, avait des rapports avec elle qui étaient assez, assez froids. Mais ça, depuis sa plus tendre enfance. En plus, Elisa a été éloignée de la famille à ses bonheurs, puisqu'elle était à Saint-Cyr. Et donc, elle est restée à Saint-Cyr, d'ailleurs, jusqu'à temps que la Révolution éclate et que l'école ferme. Et donc Napoléon a toujours eu des rapports assez assez difficiles avec elle, c'est-à-dire des rapports peu affectifs. D'une certaine façon, il l'admirait, puisqu'il a dit, quand il a vu le travail qu'elle a fait en Toscane, ah oui, il a dit que c'était une maîtresse-femme. Mais il y avait elle pas était grande-duchesse de Toscane, elle a joué un rôle essentiel. Hein, elle a eu un rôle très important, mais Napoléon n'avait pas ce quotient affectif qu'il avait pour Pauline, et il ne l'avait pas plus pour Caroline d'ailleurs. Oui, alors Caroline, elle, c'est un peu le sujet à problème, elle aussi. Hein. Bah, Caroline, qu'on connaît sous le nom de Caroline Murat. Oui, s'il n'y avait que Caroline comme problème dans la famille Bonaparte. Vous savez, je vais faire une toute petite parenthèse. Je crois que quand on veut comprendre les Bonaparte et la famille et les sœurs de Napoléon, il ne faut jamais oublier d'où ils viennent. Mais oui, c'est un clan corse. divorce. Mais on va y venir à ça. C'est si une vous famille voulez. Où oui, oui. on se déchire et où on s'aime en permanence. Donc c'est très compliqué en réalité. En fait, si vous voulez, Éric Le Nabour, dans un instant, on va justement raconter cette famille, parler du rôle essentiel des parents, bien entendu, de la culture, des liens entre frères et sœurs qui sont très forts et qui se sont perpétués même bien au-delà du premier empire. Mais là, ce que je voulais, c'est qu'on achève le portrait des trois sœurs, hein, qui sont l'objet d'ailleurs de cette exposition Les sœurs de Napoléon, trois destins italiens au musée Marmottan-Monet. C'est une exposition qui se tient jusqu'au 26 janvier prochain. Caroline, c'est le troisième élément de la triade. Les deux sœurs, Elisa et Caroline, sont quand même des femmes qui sont, comme les Bonaparte, avides de pouvoir, avides de richesse. Et bon, pour ce qui est d'Elisa, elle a certainement joué un rôle politique beaucoup plus important que Caroline. Bon, Pauline n'en a pas joué, mais elle a joué un rôle beaucoup plus important puisqu'en Toscane, elle s'est vraiment attelée aux affaires. C'est-à-dire que son mari, Félix Bottiocci, était quand même le prince consort, c'est-à-dire que c'est elle qui gouvernait. Elle a fait énormément de choses. Elle s'est occupée de tout, hein, c'est-à-dire des mines, de l'agriculture, des manufactures de soie, mais aussi du théâtre, de l'opéra, de la littérature. Et elle a essayé, elle a même fait des réflexions dans le Palais Pitti à Florence, elle a essayé de faire vraiment de s'intéresser à son pays. Elle publiait d'ailleurs, toutes ses ordonnances étaient publiées à la fois en français et en italien, par respect pour les Toscans. Et d'ailleurs, elle a été très aimée des Toscans jusqu'au bout. Pourquoi à la fin ? Des Napolitains, en l'occurrence. Non, je parle d'Elisa. Oui, parle d'Elisa. Oui, d'accord, oui. Et donc, en l'occurrence, à la fin, bon, elle se retrouve dans une situation en 1814 qui est impossible à tenir et elle est obligée d'abandonner la Toscane, alors que Caroline, elle, a un parcours beaucoup plus compliqué. Donc Caroline est une femme qui est avide de pouvoir, mais elle a Murat, qui est son mari, et qui lui entend gouverner seul. Donc c'est une guerre permanente entre le mari et la femme. Caroline, qui elle tient davantage pour le parti français parce qu'elle suit davantage la politique de son frère, et Murat, lui, qui voudrait s'affranchir de la tutelle de la France, et qui donne dans le napolitain, c'est-à-dire à un moment donné même, il va demander à ce que tous les fonctionnaires qui servent dans le royaume de Naples soient naturalisés, napolitains, abandonnent la nationalité française, ce qui a évidemment fait bondir Napoléon, il n'en était pas question. Et on a cette ambivalence permanente jusqu'à la fin du royaume de Naples entre eux, et une guerre permanente entre Murat, c'est arrivé qu'il la poursuive sa femme quand il a appris surtout qu'il était trompé, parce qu'elle aussi s'en est chargée. Il la poursuivait avec un pistolet il voulait la tuer. Bon, il y a eu des scènes quand même qui étaient, alors là c'est pas romantique, enfin si on veut dans la démesure, mais c'était quand même un couple extraordinaire qui s'est déchiré jusqu'au bout. J'ajouterais quand même un petit détail, c'est qu'il semblerait quand même que Murat ait commencé à intriguer avant Caroline et qu'elle ait été tenue à l'écart de beaucoup de tractations. À la fin, évidemment, elle a accepté ça parce qu'elle voulait aussi conserver le royaume de Naples. Il faut dire ce qui est. Hein. Mais elle a pas été celle qui a donné le coup d'envoi de la trahison, on va dire. Donc, Elisa à Florence, Pauline, notre Pauline à Rome, bien entendu. Caroline à Naples, on comprend le sous-titre de cette exposition « Trois destins italiens ». Et ce qui est fabuleux avec ses frères et sœurs Bonaparte, c'est qu'ils sont nés dans cette famille, j'allais dire lambda de Corse, à Ajaccio, et qu'ils sont tous devenus, par la grâce d'une réussite phénoménale, celle de leur frère Napoléon, ils sont tous devenus rois, reines, princesses, enfin tout ça est extravagant. D'où vient cette réussite? Est-ce qu'il y a une sorte de ferment particulier chez les Bonaparte? C'est ce que nous allons voir en votre compagnie, Éric Le Nabour, dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. C'est C'était Beethoven sur Europe 1, un extrait du deuxième mouvement de la symphonie numéro 9, dirigé par Herbert von Karajan. Et vous nous parlez, Franck Ferrand, cet après-midi, des sœurs de Napoléon, avec votre invité Éric Le Nabour, historien et romancier, auteur notamment de Napoléon et sa famille, une destinée collective aux éditions Perrin. Et oui, Éric Le Nabour, dans cet ouvrage, évidemment, ne se contente pas de parler des sœurs, il parle bien entendu des frères aussi, de cette espèce de concurrence permanente qu'il y a. C'est un mélange, cette famille, ce clan corse, comme vous nous disiez, c'est un mélange de solidarité de fond et de très grande mésentente aussi, hein, de forme en permanence. Puis vous nous parlez des parents aussi. D'où viennent-ils tous ces frères et sœurs? Il faut quand même évoquer Charles et Laetitia, les parents du clan. Les parents Bonaparte étaient de petite noblesse. Après le père d'ailleurs, Charles va essayer de, pour des raisons très très politiques d'ailleurs, de faire reconnaître l'ancienneté de sa noblesse. Pour sa propre carrière d'avocat et aussi pour ses enfants, pour pouvoir les placer dans des écoles sur le continent. C'est un clan corse, c'est l'insularité de la Corse qui donne aussi ce tempérament assez particulier. C'est un tempérament assez volcanique. C'est une famille où il y a des ambitions dès le départ. Et ces ambitions-là, pourquoi à un moment donné cette famille sort du lot aussi? Il y a les circonstances historiques, purement et simplement, c'est la Révolution. Et la Révolution va favoriser d'autres destins d'ailleurs que ceux des Bonaparte. Et pas dans les mêmes proportions, puisque bon, la famille Bonaparte est on peut dire pas chassée de Corse, mais elle est obligée de quitter la Corse parce que c'est la guerre aussi là-bas. Mais il n'y a pas que la Révolution, il y a aussi des guerres intestines entre des familles, entre des clans. Et puis les Bonaparte ne s'entendent pas avec le grand homme de la Corse qui est Paoli. Et ils sont obligés à un moment donné de partir et ils débarquent en 1793 à Toulon. Puis après ils vont à Marseille. Et à Marseille, là, il faut quand même imaginer, parce que c'est là où c'est extraordinaire, c'est que les sœurs de Napoléon lavent leur linge dans les fontaines de Marseille, font des travaux de couture pour survivre, et 15 ans plus tard, elles s'assoient sur des trônes. Je crois qu'il n'y a aucun romancier qui n'oserait imaginer une histoire pareille. On lui dirait, là quand même, tu pousses le bouchon oui, un peu loin. C'est complètement... C'est là où est vraiment la singularité de cette famille, qui a un destin, mais qui est totalement hors du commun, avec, bon, comme vous l'avez dit, effectivement, des déchirements internes qui sont terribles, c'est-à-dire que c'est champ d'amour sur champ de guerre, quoi. C'est sans arrêt, on s'aime, on se déchire, avec un rôle central qui est joué par Napoléon, par Laetitia aussi, la mère, hein, qui joue un rôle très important. Qui est dans la coulisse, mais qui est en fait leur inspiratrice à tous. Voilà, qui joue un rôle jusqu'au bout, hein, puisqu'elle meurt après plusieurs de ses enfants aussi. Et Napoléon a un comportement envers sa famille qui est très bizarre. C'est pour ça que Stendhal avait dit qu'il lui était le mieux valu pour Napoléon qu'il n'eut jamais de famille. C'est qu'il gronde, d'ailleurs vous parliez tout à l'heure de gronder, alors il gronde, il écrit des lettres terribles des fois à ses frères ou à ses sœurs. Il fait la police de la famille. Et puis il finit toujours plus ou moins par céder. Il est autant il peut être autocrate dans certains domaines, autant il peut être très faible par moment avec sa famille. Oui, il leur cède des choses incroyables, notamment au moment de la création de l'Empire en 1804, hein, puisque ça va être très compliqué pour tous ces gens, évidemment, d'accepter un nouveau statut qui est un statut de tête couronnée. C'est la curée, mais enfin, ils veulent tout. Et la seule qui garde la tête froide, c'est la mère de Napoléon, c'est Laetitia. Pour vous, que ça dure, disait-elle. Même si elle, à un moment donné, de façon plus habile, profite aussi de la situation. D'ailleurs, Napoléon lui dit carrément, mais madame, vous dépensez pas assez d'argent. Enfin, il faut. Et alors, sous prétexte aussi de certaines bonnes œuvres, enfin bon, elle finit par dire, oui, mais quand même, tu as raison, il me faut quand même des sous. Et finalement, cet argent-là, les Bonaparte vont être très contents de le trouver, parce que c'était une femme qui était plutôt économe, même si elle a vécu sur un grand pied. Ils vont être très contents de le retrouver quand ils seront en exil en Italie. C'est l'argent de Laetitia Bonaparte qui leur sauvera la mise pour certains. Parce que tous vont se retrouver plus ou moins en Italie après la chute. C'est le retour aux sources. C'est ça, la fortune des Bonaparte commence avec la campagne d'Italie de Napoléon en 1796. Exactement. Et ils finissent tous en Italie. 20 ans plus tard. Ouais. Voilà, même Joseph qui part pendant des années aux États-Unis, finit par se retrouver en Italie. Joseph qui a été roi d'Espagne entre-temps. Louis qui était roi de Hollande, oui. Le petit dernier Jérôme, roi de Westphalie. Oui. Enfin bon, et puis j'ai oublié Lucien dans l'histoire, alors lui qui est le frère compliqué. Lui c'est vraiment je dirais, il y a un cas Lucien au sein de la famille Bonaparte, c'est le frère à problème. Et la plupart des sœurs de Napoléon, et surtout évidemment la maman, Laetitia, ont toujours fait pression sur Napoléon pour qu'il se réconcilie avec lui, mais Lucien avait un fort caractère aussi, et ça n'a pas été possible, même si on retrouve Lucien malgré tout à la fin de l'Empire. Alors, je n'ai pas parlé de la mort de notre Pauline Borghèse. Elle intervient relativement tôt, finalement. Elle meurt en 1820, c'est-à-dire un an avant Napoléon. Elle meurt avant Elisa, qui meurt, elle, je crois, 5 ans plus tard, en 1825, et bien avant Caroline, qui, elle, meurt en 1839. Oui, c'est Caroline qui, en tout cas, va vivre le plus longtemps. Qui va vivre le plus longtemps et qui meurt d'un, ce qu'on suppose être un cancer de l'estomac, comme plusieurs des Bonaparte, apparemment. C'était la faiblesse constitutive. Voilà, une faiblesse de la famille. Donc c'était peut-être une faiblesse génétique, mais il y avait peut-être aussi le caractère qui faisait qu'elles avaient des ulcères. Hein. Peut-être, mais le père de Napoléon avait déjà ce type de problème. Donc apparemment, il y a un facteur héréditaire relativement important. Alors 140 œuvres sont réunies donc au musée Marmottan-Monet pour retracer un peu justement cet univers extraordinaire, ce cadre de vie fabuleux, vie publique mais aussi vie privée des sœurs Bonaparte. Leurs trois destins sont présentés dans cette exposition, on peut dire un peu en parallèle, avec des tableaux, des sculptures, du mobilier, des accessoires, des bijoux, des parures, etc., qui nous rappellent ce que furent, pas très longtemps, mais d'une manière incroyablement brillante, Elisa, Pauline et Caroline, puisque ce sont les filles, ce sont les sœurs de Napoléon sur lesquelles on s'est arrêté dans cette expo. Et puis je rappelle l'ouvrage d'Éric Le Nabour, Napoléon et sa famille, une destinée collective, avec en arrière-fond sur la couverture évidemment la carte de la Corse. C'est bien un clan corse dont il s'agit, ce qu'on a parfois peut-être un peu tendance à oublier. Merci beaucoup, Éric Le Nabour. Dans le cadre de notre semaine spéciale Prix Historia, Franck Ferrand reçoit les présidents des jurys du Prix Historique et de la Biographie dans un instant sur Europe 1. Et c'est une semaine spéciale Prix Historia sur Europe 1. Et pour en parler, vous recevez Franck Ferrand, Joël Chevet, historienne et journaliste, présidente du jury du Prix Historia du roman historique, et Éric Mention-Rigaud, professeur d'histoire à la Sorbonne, président du Prix Historia de la Biographie. Et oui, on va parler de ces Prix Historia pendant toute la semaine. Alors, hier, nous recevions Patricia Crété et Pierre Baron. Aujourd'hui, nous allons parler donc de deux autres prix, parce qu'il y en a 10 hein, de chaque année. Historia récompense des travaux qui se sont particulièrement distingués dans le domaine de l'histoire, mais sous des formes très, très différentes. Alors, Joël Chevet, vous avez dirigé, vous, le jury du roman historique. Ça nous tient à cœur, évidemment, dans cette émission. Nous avons d'ailleurs reçu celle qui a eu le lauréat. Je vous laisse le privilège de la citer. Oui, Alexandra Lapierre, pour son roman « Je te vois, reine des quatre parties du monde ». Extraordinaire roman, il faut le dire. Qui est un magnifique roman, donc c'est pas par hasard du tout qu'il a remporté ce prix, je dirais, haut la main. D'autant, alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle tout de suite du sujet. Donc il s'agit de la vie, alors romancée, d'une femme conquistador, à la fin donc du règne de Philippe II. Donc. Doña Isabel Barreto. Doña Isabel Barreto, y Mendoza, y Castro, vraiment. Voilà. Et cette femme est une femme injustement oubliée de l'histoire. Et c'est, je crois, l'intérêt des romans d'Alexandra Lapierre, qui ressuscite en général des personnages historiques sur lesquels elle travaille avec beaucoup de rigueur en ce qui concerne les sources. Là, elle a travaillé dans les sources péruviennes et espagnoles pour restituer ce personnage. Donc, grande rigueur sur ce plan-là. Et ensuite, mise en scène romanesque qu'elle sait très bien faire. On se souvient de Fanny Stevenson, d'Artemisia. Quand vous parlez de rigueur, c'est un travail de plusieurs années. Hein. Elle est allée dans les fonds de au Pérou, en Espagne, bien entendu. Et oui, voilà. Pour faire ce livre. C'est-à-dire que quand Alexandra Lapierre se lance dans une entreprise romanesque, pour elle, ce sont plusieurs années de recherche et d'immersion dans le sujet. Et ça se ressent, bien entendu, puisque du coup, l'ouvrage est d'une richesse, d'une solidité. Alors, une très grande richesse et d'une très grande solidité. Originalité. Et ensuite, il y a la romancière qui tient la barre, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'une aventure maritime à la découverte de cette fameuse Terra Incognita qui était le 5e continent, c'est-à-dire l'Australie. Alors, il y avait d'autres concurrents, bien entendu. Hein. Notre ami Ève de Castro, notamment, avec son Roi des Ombres. Oui, il y avait François Taillandier pour l'écriture du monde. Ça n'a pas dû être très facile à départager, tous ces grands talents. Alors, je dirais en même temps si, l'unanimité s'est faite quand même assez rapidement. Alors, j'ai évoqué au moment de la remise des prix, en effet, l'abondance d'ouvrages sur Louis XIV qui ont peut-être lassé le jury. Je crois qu'on a eu un peu une petite insolation, là, je dois dire. Et vous imaginez qu'on arrive bientôt au troisième centenaire de la mort de Louis XIV, hein, voilà, l'année prochaine. Voilà, alors je crains enfin, l'année suivante, et le meilleur, j'espère aussi. Non, c'est vrai qu'il arrive un moment où on se demande un petit peu ce qu'on va pouvoir apporter de nouveau sur le plan romanesque. Et on arrive surtout à des déformations de personnages qui deviennent, pour les historiens que nous sommes et qui lisons ces romans historiques, c'est parfois un petit peu gênant. Voilà. Alors Éric, mention Rigaud, vous dirigiez le jury consacré à la biographie et vous avez primé un grand biographe. Un grand biographe, Jean-Paul Bled, qui est l'un des spécialistes reconnus. Qui est venu aussi nous parler de son ouvrage à ce micro. Un spécialiste reconnu de l'espace germanique. Et nous avons honoré de ce prix sa biographie de François Ferdinand d'Autriche, qui retrace un destin brisé, celui de l'archiduc François Ferdinand, dont l'assassinat à Sarajevo le 28 juin 1914 est à l'origine d'une des plus grandes catastrophes de l'histoire. C'est le début de la Première Guerre mondiale, hein, bien sûr. Oui. Et l'intérêt de cette biographie est d'aider à comprendre aussi comment l'Europe marche vers la guerre. À partir de ce portrait d'un héritier impatient, mal connu en France, assis à côté d'un trône qui est occupé depuis 1848 par un vieil empereur et qui se montre soucieux de rééquilibrer la monarchie austro-hongroise en accordant une place plus importante aux populations slaves de l'Empire. C'est un personnage d'une grande complexité, François Ferdinand. Moi, je vous avoue que pendant très longtemps, j'ai eu du mal à le situer. Il est à la fois très moderniste et en même temps sur certains sujets totalement réactionnaire. Il est proche des Allemands par certains plans, mais d'un autre côté il critique son oncle pour son manque de nationalisme. C'est un personnage complexe, hein. C'est un personnage très complexe qui est à la fois marqué par des préjugés tenaces, par une certaine ouverture néanmoins, avec des oppositions étonnantes. Il est pour le suffrage universel en Hongrie mais contre le suffrage universel en Autriche. Il a une grande détermination à relever les défis, dont le plus connu est son mariage avec la femme qu'il aime malgré toutes les oppositions de la cour. Et puis il a un grand sens du devoir. Est-il l'homme qui aurait pu sauver l'Autriche ? La réponse ne peut pas être donnée. Mais ce qui est certain, c'est qu'il connaissait bien l'Empire et qu'il avait une réelle détermination à essayer d'en assurer la pérennité. Alors c'est un luxe invraisemblable et en même temps c'est une frustration d'avoir à ce micro Éric Mention-Rigaud et Joël Chevet en même temps et de leur donner quelques minutes seulement. Mais vous êtes venus nous parler l'un et l'autre aujourd'hui, non pas de vos propres travaux et ouvrages, mais de vos lauréats. Hein. Donc je rappelle, Éric Mention-Rigaud, vous avez donné le prix Historia, enfin quand je dis vous, le jury que vous présidiez a remis le prix Historia de la biographie à Jean-Paul Bled pour son François Ferdinand d'Autriche qui est publié chez Talendier, et Joël Chevet, le prix Historia du roman historique a été décerné à Alexandra Lapierre pour son roman Je te vois reine des quatre parties du monde. Roman qui fait voyager vraiment par l'imagination d'une façon extraordinaire et qui est publié chez Flammarion. Merci beaucoup à tous les deux. Bonjour Elena Mornam. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors je vais poser une colle, je vais vous poser une colle. Franck, ça n'est pas le jeu des 7 erreurs, mais voici. Si je vous dis Demi Moore, Madonna, Claire Chazal, Laurence Boccolini, Marguerite Duras, Edith Piaf et Mrs. Robinson, ça vous évoque quelque chose ? Ça m'évoque des femmes fabuleuses, mais je ne sais des pas. Femmes cougars, effectivement, ah oui, c'est d'elles dont nous parlons vrai, aujourd'hui. Et comment surmonter cette différence d'âge ? Comment surmonter aussi l'image qu'elles renvoient ? On en parle avec vous et avec les experts européens. 39, 21, 34 centimes d'euros la minute pour vos questions ou c'est gratuit sur europe1.fr. Vous allez avoir des cougars dans le studio ? Je ne sais pas, Céline peut-être ? Merci beaucoup Elena, nous nous retrouvons demain Céline. Avec plaisir Franck, à demain.